Extrait de la seconde promenade. Ayant donc formé le projet de décrire l'état habituel de mon âme, dans la plus étrange position où se puisse jamais trouver un mortel, je n'ai vu nulle manière plus simple et plus sûre d'exécuter cette entreprise que de tenir un registre fidèle de mes promenades solitaires et des rêveries qui les remplissent quand je laisse ma tête entièrement libre et mes idées suivre leur pente sans résistance et sans gêne. Ces heures de solitude et de méditation sont les seules de la journée où je sois pleinement moi et à moi, sans diversion, sans obstacle, et où je puisse véritablement dire être ce que la nature a voulu. L'habitude de rentrer à moi-même me fit perdre enfin le sentiment et presque le souvenir de mes mots, M-A-U-X. J'appris ainsi, par ma propre expérience, que la source du vrai bonheur est en nous, et qu'il ne dépend pas des hommes de rendre vraiment misérable celui qui sait vouloir être heureux. Ainsi, le jeudi 24 octobre 1776, je suivis après dîner le boulevard jusqu'à la rue du chemin vert par laquelle je gagnais les hauteurs de Ménilmontant. Et de là, prenant les sentiers à travers les vignes et les prairies, je traversai jusqu'à Charonne, le riant paysage qui sépare ces deux villages. Puis je fis un détour pour revenir par les mêmes prairies en prenant un autre chemin. Je m'amusai à les parcourir avec ce plaisir et cet intérêt que m'ont toujours donné les sites agréables et m'arrêtant quelquefois à fixer des plantes dans la verdure. Après avoir parcouru en détail plusieurs plantes que je voyais encore en fleurs et dont l'aspect et l'énumération qui m'étaient familières me donnaient néanmoins toujours du plaisir, je quittai peu à peu ces menus d'observation pour me livrer à l'impression non moins agréable, mais plus touchante, que faisait sur moi l'ensemble de tout cela. Depuis quelques jours, on avait achevé la vendange. Les promeneurs de la ville s'étaient déjà retirés. Les paysans aussi quittaient les champs jusqu'aux travaux d'hiver. La campagne, encore verte et riante, mais défeuillée en partie et déjà presque déserte, offrait partout l'image de la solitude et des approches de l'hiver. Il résultait de son aspect un mélange d'impressions douces et tristes, trop analogues à mon âge et à mon sort pour que je ne m'en fisse pas l'application. Je me voyais au déclin d'une vie innocente et infortunée, l'âme encore pleine de sentiments vivaces et l'esprit encore orné de quelques fleurs, mais déjà flétri par la tristesse et desséché par les ennuis. Seul et délaissé, je sentis venir le froid des premières glaces et mon imagination tarissante ne peuplait plus ma solitude d'être formée selon mon cœur. Je me disais en soupirant, « Qu'ai-je fait ici-bas? J'étais fait pour vivre et je meurs sans avoir vécu. Au moins, ce n'a pas été ma faute. Et je porterai à l'auteur de mon être, sinon l'offrande des bonnes œuvres que l'on ne m'a pas laissé faire, du moins un tribut de bonnes intentions frustrées, de sentiments sains mais rendus sans effet, et d'une patience à l'épreuve des mépris des hommes. » Mon après-midi se passa dans ces paisibles méditations, et je m'en revenais très content de la journée, quand au fort de ma rêverie, j'en fus tiré par l'événement qui me reste à raconter. J'étais sur les 6 heures, à la descente des Ménilmontant, presque vis-à-vis du galant jardinier, quand des personnes qui marchaient devant moi, s'étant tout à coup brusquement écartées, je vis fondre sur moi un gros chien danois qui, s'élançant à toutes jambes devant un carrosse, n'eut pas même le temps de retenir sa course ou de se détourner quand il m'aperçut. Je jugeai que le seul moyen que j'avais d'éviter d'être jeté par terre était de faire un grand saut si juste que le chien passât sous moi tandis que je serais en l'air. Cette idée, plus prompte que l'éclair, et que je n'eus le temps ni de raisonner, ni d'exécuter, fut la dernière avant mon accident. Je ne sentis ni le coup, ni la chute, ni rien de ce qui s'ensuivit jusqu'au moment où je revins à moi. Il était presque nuit quand je repris connaissance. Je me trouvai entre les bras de 3 ou 4 jeunes gens qui me racontèrent ce qui venait de m'arriver. Le chien danois, n'ayant pu retenir son élan, s'était précipité sur mes 2 jambes et, me choquant de sa masse et de sa vitesse, m'avait fait tomber la tête en avant. La mâchoire supérieure, portant tout le poids de mon corps, avait frappé sur un pavé très raboteux, et la chute avait été d'autant plus violente qu'étant à la descente, ma tête avait donné plus bas que mes pieds. Le carrosse, auquel appartenait le chien, suivait immédiatement et m'aurait passé sur le corps si le cocher n'eût à l'instant retenu ses chevaux. Voilà ce que j'appris par le récit de ceux qui m'avaient relevé et qui me soutenait encore lorsque je revins à moi. L'état auquel je me trouvais dans cet instant est trop singulier pour n'en pas faire ici la description. La nuit s'avançait. J'aperçus le ciel, quelques étoiles et un peu de verdure. Cette première sensation fut un moment délicieux. Je ne me sentais encore que par là. Je naissais dans cet instant à la vie et il me semblait que je remplissais de ma légère existence tous les objets que j'apercevais. Tout entier au moment présent, je ne me souvenais de rien. Je n'avais nulle notion distincte de mon individu, pas la moindre idée de ce qui venait de m'arriver. Je ne savais ni qui j'étais, ni où j'étais. Je ne sentais ni mal, ni crainte, ni inquiétude. Je voyais couler mon sang comme j'aurais vu couler un ruisseau, sans songer seulement que ce sang m'appartint en aucune sorte. Je sentais dans tout mon être un calme ravissant, auquel, chaque fois que je me le rappelle, je ne trouve rien de comparable dans toute l'activité des plaisirs connus. On me demanda où je demeurais. Il me fut impossible de le dire. Je demandai où j'étais, on me dit « à la haute borne ». C'était comme si l'on me dit « au mont Atlas ». Il fallut demander successivement le pays, la ville et le quartier où je me trouvais. Encore cela ne put-il suffire pour me reconnaître. Il me fallut tout le trajet de là jusqu'au boulevard pour me rappeler ma demeure et mon nom. Un monsieur que je ne connaissais pas et qui eut la charité de m'accompagner quelque temps, apprenant que je demeurais si loin, me conseilla de prendre un fiacre pour me conduire chez moi.